Bonjour à tous et à toutes. C'est un véritable plaisir d'être toujours devant vous et surtout à l'écoute de la parole de Dieu. Alors j'ai entendu pendant ce temps de louange et d'adoration cette image d'un choix que une personne doit faire. Et peut-être que cette personne n'est pas une personne individuelle, mais peut-être que cette personne est une personne collective. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Cette parole, nous la trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, des versets 54 à 69, et c'est sur ce passage-là que ce matin nous nous concentrerons. Verset, ça va s'afficher. Oui, ça s'est affiché. Verset 54 jusqu'au verset 69, Jean 6. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par lui, de même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres et qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui l'écoutaient déclaraient: cette parole est vraiment difficile à accepter. Qui peut être d'accord? Jésus savait fort bien que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit: cela vous choque-t-il? Que se passera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'être humain, par ses propres forces, ne peut le faire. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qu'il ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner ou de le suivre. Jésus demanda alors aux 12 disciples: voulez-vous vous aussi partir? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que toi seul, que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Ici s'achève la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur la bénisse. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Alors moi qui me prends souvent la tête pour trouver un titre à mes prédications, il est déjà tout trouvé. Il est déjà tout trouvé, n'est-ce pas? Et au-delà d'un titre, d'une petite prédication d'une vingtaine de minutes, c'est surtout une très très belle confession de foi que nous avons là. Mais cette confession n'arrive pas ici comme ça par hasard. Elle ne tombe pas du ciel. Mais elle est la réponse à une question que Jésus pose à ses disciples. Elle est la réponse à un choix qui nous est proposé à nous aussi ce matin. Et vous, ne voulez-vous pas partir? Et toi qui es là aujourd'hui, comme moi ici devant vous, est-ce que tu ne veux pas partir aussi? Ne veux-tu pas exercer le libre choix que le Seigneur Jésus te donne? Alors, nous faisons tous des choix. Et je crois même que la singularité de l'être humain, c'est de pouvoir choisir, d'avoir cette liberté de choisir, d'avoir une volonté et de l'exprimer par nos choix. C'est vrai que quelquefois, nous agissons à l'instinct, d'instinct, sans trop réfléchir, parce que nous avons développé des mécanismes de choix spontanés qui s'apparentent à des mécanismes de survie. C'est vrai aussi que parfois, nous n'avons pas choisi, nous n'avons rien choisi, et que ce sont les circonstances qui ont orienté nos choix, qui ont orienté nos décisions. Je pense aussi qu'il y a dans la vie des choix qui sont plus importants que d'autres. Vous serez d'accord avec moi pour dire que choisir de porter ce matin des rayures avec du carreau n'a aucune incidence sur notre vie présente ou sur notre destinée éternelle. La seule faute que nous commettrions alors serait une faute de goût et certainement pas un péché au sens biblique du terme. Bien que sur la faute de goût, j'ai aussi des doutes. Alors, pour pouvoir choisir et décider en toute connaissance de cause, il nous faut soit répondre à une question, soit réagir à une proposition qui nous est faite. Mais pour aussi bonne que soit cette proposition, pour aussi bon que soit le pain que Jésus propose, Dieu nous laissera toujours un espace suffisant pour que s'exprime le libre arbitre par un choix. Alors, on va réécouter cette proposition que Jésus fait à ses disciples et que Jésus fait à chacun de nous. Je prendrai juste quelques séquences de ce passage. « Moi, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 47. « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit possède la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. » Verset 51. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Verset 57. « Tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et comme je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. » Voici donc verset 58, « Le pain qui est descendu des cieux, il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres et qui sont morts, mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Voici donc la proposition de Jésus. Alors je vais la résumer en une phrase qu'on en sait, que je vais peut-être répéter deux fois. Jésus, pain qui donne la vie, propose à toute personne qui s'approche de lui par la foi, qui croit en lui, de vivre par lui, unie à lui, dans cette vie présente, jusque dans l'éternité. C'est ça, je la répète. Jésus, pain qui donne la vie, propose à toute personne qui s'approche de lui par la foi, qui croit en lui, de vivre par lui, unie à lui, dans cette vie présente et jusque dans l'éternité. C'est un beau projet, n'est-ce pas ? Une très belle proposition. Alors moi, je suis surpris du commentaire qui en est fait. Je suis très surpris. Et quel est ce commentaire ? Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Qui peut la comprendre ? Qui peut l'intégrer ? C'est curieux, n'est-ce pas ? Une si belle proposition de vie, pour cette vie présente et pour la vie éternelle, la vie future, qu'elle soit perçue d'une manière aussi dure et difficile à comprendre. Une parole rude, une parole difficile à entendre, une parole difficile à intégrer, tellement difficile qu'elle oblige certains de ses disciples de faire le choix de partir. Et dans ce moment décisif, Jésus présente un choix très clair à ses disciples. Quatre questions. Mangerez-vous ce pain ou non ? Croirez-vous en moi ou non ? Choisirez-vous la vie ou non ? Me suivrez-vous ou non ? Et rappelons que ce choix n'est pas destiné à la foule, mais ni aux pharisiens, mais à ses disciples. Et remarquons que ce sont des disciples qui choisissent de ne plus suivre Jésus, et tout ceci, frères et sœurs, en vertu du pouvoir dont dispose chaque être humain, chaque disciple, de faire le choix de continuer sur le chemin ou non. Ce que Jésus interroge ce matin, c'est ma fidélité à le suivre. C'est mon appétit à manger ce pain du ciel. C'est la disposition de mon cœur à travailler, non pour le pain que donne ce monde, nourriture insipide et périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Alors tout ça, voyez-vous, tout ça me pose question. Mais qu'y avait-il de si dur à entendre, de si difficile à comprendre dans la parole de Jésus pour que certains décident de ne plus suivre Jésus et de s'en aller? N'avait-il vraiment rien compris? Ou bien, au contraire, n'avait-il que trop bien compris? Trop bien compris que ce que cela signifie que d'être un disciple et ce que cela signifie, au fond, de suivre Jésus. Je crois que la dureté de la parole entendue ne réside pas dans le vocabulaire que Jésus emploie. Vous savez, cette question de chair et de sang. La chair et le sang sont des expressions que l'on retrouve assez souvent dans la Bible. Juste deux exemples, chapitre 1 de ce même livre, de ce même, cette même lettre, pardon, Évangile, chapitre 1, verset 1, chapitre 1, des versets 12 et 13, pardon, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » On connaît ces versets. « Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Paul, lorsqu'il se convertit, raconte son témoignage. Il dit « Je ne consultais ni la chair et le sang. » Voilà, « Je ne consultais ni la chair et le sang. » Et peut-être le passage le plus connu, « Tu es heureux, Simon, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Alors ce n'est pas tant le vocabulaire employé qui choque les auditeurs, ils connaissent ces expressions. Mais ce que dit Jésus dérange, et pourquoi? Parce que en se présentant comme le vrai pain du ciel, le vrai pain qui descend du ciel, en disant cela, il enlève toute prérogative humaine au salut. Lorsque, par exemple, Jésus dit que manger la manne ne conduit pas à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? C'est un passage qu'on n'a pas lu, mais on le retrouve dans cet évangile au chapitre 6. Ce que Jésus veut dire, c'est que la réalité qui est en lui est supérieure à l'ombre que cette réalité projette. Parce que, comme dit Paul dans les Colossiens, tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Et nous ne sommes pas appelés, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'ombre, cachés dans l'ombre, mais dans la pleine lumière qui est Jésus-Christ. Alors oui, cette parole est rude, elle est difficile. Et je voudrais, à ce stade, être très, très précis sur le mot « rude », le mot que l'on traduit ici par « rude » ou par « dur ». En grec, c'est le mot « skléros », « skléros », qui veut dire aussi « asséché », qui veut dire « sec ». Alors, une petite illustration s'impose. Je ne suis pas médecin, mais je connais le cas. Quand on a des problèmes circulatoires, scléroser les veines est un acte de soin par lequel on va venir assécher la veine malade et créer un nouveau réseau circulatoire qui va venir soulager la douleur. Et quand Jésus dit qu'il est le seul vrai pain du ciel, qui seul peut nourrir, le geste que Jésus pose ici est un geste thérapeutique, un geste de salut. Alors, je rappelle également que le mot « salut », ça veut dire « santé ». On se dit le matin « salut ». On veut dire quoi ? Bonne santé. Santé du corps, santé de l'âme, santé de l'esprit. Alors oui, je pourrais dire que Jésus les a séchés ce matin. Il les a séchés par cette parole. Mais c'est aussi un geste de grâce et un geste de soin qui va venir assécher chez nous toutes nos illusions, tout le réseau de nos illusions, tout ce qui nourrit nos illusions. Nos illusions de croire que nous avons un quelconque mérite dans notre salut. Le salut, dira Pierre dans le livre des Actes, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Et en principe, l'Assemblée dit « Amen ». Le seul salut appartient à Dieu. Je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie. Je suis la nourriture de l'âme. Celui qui me mange, qui croit en moi, vivra par moi. Alors c'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre, tout simplement parce que cette affirmation de Jésus exclut toute œuvre humaine, toute prétention humaine à mériter son salut. C'est un morceau de pain qui ne passe pas dans le gosier de ceux qui pensent que leur salut dépend de leur comportement ou de leurs œuvres, de ce que nous pourrions faire de bien ou de mal. Et dans le texte qui précède, que nous n'avons pas lu d'ailleurs, on voit la foule contaminée par le même virus, par le virus du « faire pour être agréable à Dieu ». Il ne s'y trompe pas d'ailleurs. Alors, que devons-nous faire pour faire ? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Vous avez remarqué, hein, « faire pour faire ». Et Jésus répond, il demande en fait « c'est quoi le job ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?» L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. C'est tout. Ça se limite là. Il y a, nous le savons, et ce n'est pas nouveau, dans toutes les religions, c'est-à-dire dans toutes ces tentatives pour relier l'être humain au divin, pour le relier à l'éternité, et même dans le christianisme, il y a cette idée de devoir faire quelque chose de devoir faire quelque chose, de faire pour faire. Comme si, excusez-moi de l'illustration, mais comme si sur le pain que Dieu donne, il serait nécessaire d'y mettre de la confiture. Il serait nécessaire d'agrémenter le salut de quelques fantaisies personnelles, une sorte de topping, hein, d'obligation, ou un saupoudrage de bonnes pratiques religieuses. Alors vous savez, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le topping, hein, le topping c'est ce petit supplément, ce petit truc qu'on vous demande, et avec ça, ce sera, vous mettrez bien ceci dessus. C'est le petit supplément qui coûte cher, voilà, qui ne sert à rien, nutritivement, pardon ? Ça coûte cher, ça fait monter l'addition, et ça ne sert à rien, parce que tout le goût est là déjà, tout est là déjà. Et vous savez, nous on aime bien les toppings dans le christianisme. On aime bien faire pour faire, on aime bien faire quelque chose pour faire quelque chose. Alors, j'ai lu récemment que les archéologues qui s'intéressent à l'ancien Israël, ils ont découvert que dans les périodes les plus fastes, où ils étaient le plus près de Dieu, eh bien, il y avait dans les maisons, ils ont découvert, de petits autels dédiés aux divinités païennes. C'est curieux, n'est-ce pas ? Comme si Dieu ne suffisait pas. Comme s'il fallait toujours ajouter quelque chose à Dieu pour qu'il soit Dieu. Comme si le Tout-Puissant ne pouvait pas être aussi le Tout-Suffisant. Comme si le Dieu qui avait frayé un chemin dans la mer ne serait pas capable de les soutenir dans l'adversité. Alors, l'œuvre que Dieu attend de nous, elle est simple. Hein, c'est ce que nous dit Jésus. C'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. C'est tout, c'est suffisant, c'est pleinement suffisant et il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, je ne sais pas si on le mettra dans la playlist de Noël, mais il y a un vieux cantique, quand je dis vieux, c'est vieux, hein, que les frères Moraves chantaient au XVIIIe siècle et qui disait la chose suivante. Ça m'est revenu en préparant ce message. Tous les travaux de mes mains, pour te plaire, seraient vains. Lors même qu'en ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, ils ne sauraient me laver, toi seul peux et veux sauver. C'est beau, n'est-ce pas ? Alors, 18e siècle, on se dit, waouh, 18e siècle, mais la vérité du 18e siècle, elle avait déjà 18 siècles. Hein ? Donc, elle était déjà ancienne. Et nous, on est là, on dit, ouais, c'est vieux. Mais c'est une vérité essentielle. C'est une vérité éternelle. Non pas temporelle, mais elle est éternelle. Et Dieu fasse qu'après nous, d'autres personnes proclament encore cette vérité éternelle qui est l'éternel sujet de notre louange et de notre adoration. Je suis le pain de vie, celui qui me mange, qui s'approche de moi par la foi, vivra. Jésus remet la foi en lui au centre de cette relation avec lui. Notre pain, notre super aliment, notre pain de ce jour, on l'a chanté tout à l'heure, notre pain de tous les jours, celui que nous réclamons jour après jour comme notre pain essentiel, tel que le Christ nous a enseigné à prier. Notre pain, c'est de croire en lui. C'est de faire de Jésus ce qui nourrit notre être, ce qui nourrit notre espérance, ce qui nourrit notre foi. Croire en Jésus, il le dit, hein, je ne fais que le retranscrire. Croire en Jésus, c'est s'approcher de Jésus. Croire, c'est manger et boire. Manger et boire, c'est croire. C'est ce qu'il dit, hein, je ne fais que répéter ce qu'il dit. Manger et boire, c'est croire, c'est vivre par Christ. C'est dire que Christ, comme nous l'avons chanté, Christ seul nous suffit pleinement et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter quelque chose à cette plénitude. Manger et boire, c'est faire entrer la réalité du salut dans mon expérience, au-dedans de moi, pour dire, pour que cette réalité me nourrisse, qu'elle me donne la force d'avancer, la force de choisir de vivre pour lui et pour qu'avec la force que ce pain me donne, ce pain du ciel me donne, je puisse résister à la tentation de tout laisser, de tout plaquer, de tout abandonner, soit pour une bouchée de pain de substitution, soit pour un fruit défendu ou pour un plat de lentilles. Christ, dans son humanité, dans sa chair, dans son sang, dans sa venue en chair et par son sang versé, nous donne le vrai pain qui vient du ciel. Le pain qui nourrit notre âme, qui la rassasie, qui l'apaise jusque dans la vie éternelle. Ce pain, c'est Dieu. Ce pain, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui, par Jésus-Christ, son Fils, se fait nourriture, se donne au monde, se donne à connaître, se donne à goûter, se donne à voir, à contempler dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça qui est difficile à entendre. Mais c'est aussi ce qui donne à Dieu, par Jésus, sa véritable place dans notre salut. C'est une parole dure, asséchante. Elle révèle, en fin de compte, une sécheresse plus profonde encore. Elle révèle cette dureté du cœur qui consiste à ne pas vouloir recevoir ce pain béni comme un cadeau du ciel. C'est cette dureté de cœur. Et je le crois fermement. C'est cette dureté de cœur, mais une dureté de circonstance aussi, parce que je crois en la grâce qui tend toujours la main. C'est cette dureté du cœur qui conduit certains disciples à faire ce choix de ne plus suivre Jésus. En fait, ce n'était pas la parole qui était dure, c'était leur cœur. Dure journée, n'est-ce pas ? Dure journée pour Jésus. N'oublions pas que dans le chapitre qu'on n'a pas lu, après qu'il ait nourri la foule, il voulait le faire roi, n'est-ce pas ? N'oublions pas, on ne l'a pas lu, mais lorsque ses disciples ramaient, et on est des disciples qui ramont, n'est-ce pas ? Jésus les a précédés, Jésus était au-devant d'eux. Dure journée, où cet ascenseur émotionnel du Christ qui n'est pas décrit, voit ici un aboutissement triste lorsque ses disciples, certains de ses disciples, décide de ne pas le suivre. Moment difficile pour celui qui, pour seul argument, ne dispose que de son amour pour le monde, ne dispose que de ce pain venu du ciel pour nourrir à jamais notre âme. Alors, Jésus se tourne vers les 12, vers ceux qui, en tout cas en ce moment, à ce moment même, j'en suis certain, n'ont pas mieux compris que ceux qui ont fait un autre choix. Ne nous leurrons pas, ils n'avaient pas mieux compris que les autres. Voulez-vous, vous aussi, partir ? Voulez-vous user de cette liberté que je vous donne pour partir ? Oh, non pas pour un autre lieu, c'est pas le sujet, mais voulez-vous partir ? Voulez-vous vous départir de moi ? Voulez-vous vous séparer de moi ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est la première fois dans cet évangile que les 12 plus proches compagnons de Jésus sont nommés. Et je remarque que cette décision de ne pas se détourner de Jésus, mais de continuer à le suivre, est une décision prise en communauté. Vous avez remarqué ça ? Elle est prise en communauté. Pierre ne dit pas « moi je te suivrai », il dit « tu as les paroles qui donnent la vie, à qui irions-nous ? » Il conjugue cela de cette manière. Alors frères et sœurs, tout ça m'a inspiré une seule question. Qu'est-ce qui nous unit véritablement ? Qu'est-ce qui nous unit en tant que frères et sœurs ? Alors ce n'est pas un credo particulier. On le sait, même si on est d'accord sur beaucoup de choses. Ce n'est pas non plus un style de culte ou un lieu de culte. Mais ce n'est même pas une structure de service qui nous unit comme le corps de Christ. Mais ce qui nous unit, en fait, c'est cette décision prise ensemble d'aller de l'avant. D'aller de l'avant comme une communauté de foi, comme une communauté de disciples. Ce qui nous unit, frères et sœurs, c'est notre volonté commune et affirmée de suivre Jésus. C'est d'avoir perçu en Jésus suffisamment d'amour et de grâce pour vouloir persévérer à ses côtés. C'est d'avoir trouvé en Jésus le vrai pain du ciel, les paroles de vie, la source de toute vie, la source de la vraie vie. Voulez-vous partir vous aussi ? Non, on ne partira pas. Merci. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle et nous croyons et nous savons que toi, tu es celui qui est saint, envoyé par Dieu. Amen. Amen. On peut chanter ?